Radio Dio. All right, this next one's about the perils of alcohol. But enjoy your beer, you know what I mean? Yeah. Donc Adrian Smith de Iron Maiden et Richie Kotzen de pas mal de choses différentes, Poison ou alors Mr. Big, c'est superbe, et puis bien entendu Winery Dogs ces dernières années sur cet album Better Days and Nights avec ce morceau Get a Hold on Me. Voilà, restez bien à l'écoute du 895 ce soir dans Overdrive. On aura la chance d'avoir encore une fois une interview réalisée du côté du Motocultor Festival avec cette fois l'excellent groupe suédois The Hollow Effect qui concentre des musiciens, des anciens musiciens du In Flames ainsi que le chanteur de Dark Tranquility, Michael Stanner, pour un fantastique groupe et une superbe interview qu'on diffusera un petit peu plus tard. Pour l'heure, ce sera le groupe de Frontiers Records, Star Chaser, avec Battalions of Heroes. Tout de suite, c'est sur Overdrive, Radio Duo. Like something we never enchaîné après ce groupe Star Chaser avec Seventh Crystal qui nous a sorti toujours sur le label Frontiers Records cet album Entity et dont on va diffuser le morceau 13-1 pour débuter l'émission avec du bon vieux hard rock heavy metal mélodique. 13-1 extrait de cet album Entity par le groupe Seventh Crystal. Precious gold, only settle for more. Have you ever seen the writings on the wall? This time I need to go, go back before it ends. You'll hear me tearing down the walls with no regret. Can we settle the score? Have they ever seen the writings on the wall? This time I need to know, go back before it ends. You'll hear me tearing down the walls they won't forget. Don't you cry, don't feel it. Yes, vous venez d'entendre dans un style assez rock sudiste Diesel Dust, ce groupe français Diesel Dust, qui nous sort cet album Just Another Day sur le label Brennus Music, une musique bien entendu tout en finesse et en feelings, sur ce Little Girl Song. Tout de suite, on va passer à MNO Music et cet album Tezuji avec le morceau Mirage. Je vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Sometimes I can feel très progressif dans l'âme que ce TSUJ avec ce morceau Mirage dans Overdrive Radio Duo. On va rester dans des terres progressives avec le dernier album du groupe The Clone, ça s'appelle The Unseen, ça voit le jour ce mois d'octobre 2024 sur Pelagic Records. Après un album qui était paru l'année dernière, ils nous reviennent déjà avec ces nouvelles compositions et ce nouvel album de 40 minutes qui s'appelle The Unseen, qui voit le groupe aller un peu plus sur des terres, on va dire, aérées et ambiantes que sur des compositions plus complexes et plus, on va dire, agressives. Et comme pouvait l'être sur Meanwhile. En tout cas, le groupe n'a pas perdu sa personnalité et se montre toujours aussi intéressant avec une superbe production. On s'envoie ça tout de suite par Clone avec The Unseen. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe français, jetez-vous dessus. Thank you. Véritable montée en puissance sur ce The Unseen par le groupe Clone. On continue maintenant avec quelque chose de plus classique dans la formulation. Et le son, ce sera Tungsten pour du pure metal avec Blood of the Kings. Voilà pour le groupe Tungsten. Tungsten tout de suite pour du heavy metal moderne avec pas mal de claviers. Donc on a ici une certaine vision du power metal qui va être maintenant confronté à quelque chose d'assez différent. Là aussi moderne, néanmoins on va dire un néoclassique de heavy speed avec le groupe Butcher qui nous sort cet album Unfall of Tyrant Wing qui est du New Wave of British Heavy Metal, passé à la moulinette ultra, ultra speed et agressive. Une certaine authenticité également dans la production est à noter, ce qui n'est pas pour me déplaire. Speed Metal Samurai, extrait de cet album Handful of Tyrant Wing par le groupe Butcher, avec des trémas sur le U. Yeah. Voilà pour le groupe Butcher Speed Metal Samurai. Quel titre excellent. Lors du Motocultor, Overdrive Radio Duo a eu la chance de rencontrer le très sympathique Niklas Angelin de Halo Effect, groupe constitué de vétérans de la scène death metal mélodique. Une rencontre organisée par la Ferrarock. On remercie l'équipe du Motocultor pour l'accueil et c'est parti tout de suite pour ce petit entretien. Je suis au Motocultor en compagnie du guitariste de Halo Effect, Niklas Angelin. Comment ça va aujourd'hui? Halo Effect, Niklas Angelin, how are you today? Très bien, je suis impatient de jouer ce soir. Un programme plutôt chargé d'un point de vue des tournées. Vous allez enchaîner avec trois concerts en ouverture d'Amon Amarth en Suède, dans de grandes salles. Oui, bien entendu. Certains seront en plein air, ça va être super cool. Début mars, vous avez également ouvert pour Meshuggah. Comment ça s'est déroulé? Fantastique. J'adore ces gars. Les concerts étaient super. Les salles étaient remplies. On s'est vraiment éclaté et c'est encore une fois un super souvenir. Votre premier album était une véritable surprise. Dirais-tu qu'après ces tournées que vous avez effectuées, Halo Effect était maintenant un groupe à part entière et pas simplement un projet parallèle? C'est un groupe à part entière. Nous avons un nouvel album prévu pour janvier et une tournée en conséquence. Bien entendu, nous sommes un groupe à part entière. Tout a été enregistré, tout est terminé et mixé, masterisé. Est-ce que ce sera dans la même veine que le premier? Exactement. Du death metal mélodique suédois. J'attends ça avec impatience. Le premier était mon album de l'année. Oh, merci. Pour reparler de ce premier album, Days of the Lost, est-ce que ce titre est une représentation du confinement, puisqu'à l'époque, les jours étaient perdus, entre guillemets? Because days were lost because of lockdown. You could be right. You could be. I mean. Tu pourrais avoir raison, mais ça, il faudra en parler avec Michael, car il est le vrai poète, le parolier, le vrai artiste du groupe. I am the wrong guy. Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour en parler. En tout cas, il écrit des paroles si intelligentes qui ont un sens profond. Il faudrait lui en parler. So as you said. You have quite a heavy schedule because Michael va également tourner avec Dark Tranquillity à l'automne, qui vient juste de sortir un nouvel album. Halo Effect embrayera début 2025. Donc, comment rester créatif et frais avec un planning si chargé? Creative and remain fresh in a way when you have such a heavy schedule. Michael a été fantastique en gérant tout ça. Mais je pense que on se doit de planifier à l'avance, en étant bien organisé, avec un calendrier précis. Ce qui nous permet d'être un groupe à part entière. Comme je l'ai dit, nous avons un nouvel album qui sort en janvier. Nous avons donc réussi à enregistrer cet album sans perdre de temps. Tout ça grâce au calendrier. Les Suédois sont réputés pour être bien organisés. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, on essaye. Comment établir une setlist avec un seul album dans le catalogue? Oh mon Dieu, notre premier concert était un festival de Sweden Rock. On nous a proposé une heure de set sur la grande scène, une heure. Notre premier album ne dure que 45 minutes. Donc j'ai dit à Michael en plaisantant qu'il devait lire de la poésie pour combler. Nous avons écrit une intro et une outro que nous pouvions étirer un peu et Michael pouvait également parler au public entre les morceaux. On a gardé ce format. Pas vraiment exactement la même setlist, mais l'intro et l'outro sont restés. S'agit-il de pistes préenregistrées et jouées ou alors jouées sur scène? C'est des préenregistrés très épiques. Et c'est quelque chose, et je le dis là pour la première fois ici. Donc c'est un secret. Vous pourrez retrouver ça sur le deuxième album qui sortira au mois de janvier. Dans une autre forme. Vous le verrez on the second album also in another form shape. Okay, maybe intro to the album. Une intro pour l'album. I said enough. Time will tell. J'en ai assez dit. Je ne peux pas en dire plus. Le temps nous le dira. Ever considered playing songs from your... Avez-vous déjà considéré jouer des morceaux de vos précédentes formations avec Halo Effect? Non. Non, nous n'avons jamais prévu de faire ça. Pour nous, il est plus important de nous concentrer sur Halo Effect, puisqu'il s'agit de notre groupe que nous voulons mettre en avant et promouvoir. Puisque l'album est fort, le groupe peut s'appuyer dessus pour les concerts. Lorsque votre deuxième album sortira, vous n'aurez plus vraiment ce genre de problème. Okay. So how do you... Comment composez-vous? En envoyant des démos ou alors en jammant dans une salle de répétition, car vous venez tous de Gothenburg. Nous pourrions faire ça. Mais puisque nous avons ce calendrier, nous devons être organisés et efficaces. En général, ça commence avec des squelettes de morceaux que l'on envoie à tout le monde pour récolter leur avis. Et ensuite, nous partons de là, nous assemblons le tout avant l'enregistrement. Okay. Nous faisons ça depuis longtemps. Et nous savons comment écrire ce type de musique. Chacun peut y ajouter sa touche, sa magie. Mais si je fais un truc, Peter peut y ajouter sa basse. Et Daniel également, et ensuite, ça devient du Halo Effect grâce à tous les composantes qui sont mis ensemble et qui constituent le groupe. S'agit-il de tes démos ou de celles de Jespers? Je commence en général et Jesper ajoute sa magie, et les autres également. En parlant de lui, comment va Jesper Strombald? Fera-t-il les futurs concerts? Je sais que vous avez joué avec Patrick Jensen de The Haunted qui vous dépanne actuellement. Jesper est toujours malade. Il prend soin de lui, donc on y va pas à pas. Il reste toujours avec nous, malgré tout. Nous parlons tous les jours, nous avons parlé aujourd'hui, et je le recontacterai demain, quand je rentrerai à la maison. Nous allons continuer comme ça, car nous allons lancer la promotion du nouvel album. Peut-être va-t-il venir jouer quelques chansons sur la tournée à Monamarf avec nous, puisqu'il s'agit de la Suède. Would you say that the Halo Effect is a real touring band? Est-ce que l'alchimie entre les membres du groupe s'est consolidée depuis que vous avez commencé à tourner? Between the band members being reinforced since you started touring. C'est vraiment quelque chose de magique quand tu joues ensemble depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de parler parfois. C'est instinctif. All right, I know where you are. On retrouve tout de suite où on veut aller. et car on se connaît, à la fois en tant que personne et en tant que musicien. Nous avons une longue histoire commune et tout s'est fait naturellement. Nous n'avions pas besoin de nous dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Si c'était des musiciens nouveaux, nous aurions eu besoin d'un un ou deux ans pour nous trouver sur scène. Mais avec Halo Effect, tout est allé très vite. But with Halo Effect, you just dive in. You just dive in. Yeah. How long have you known? Depuis combien de temps connais-tu Michael? On sait qu'il était dans In Flames il y a très très longtemps. That was ages and ages ago. I think je crois que je le connais depuis 1989. Oh. Wow. So you're all from. Vous êtes tous du même coin. Same area, yeah. Et oui, je connais Jesper depuis 1986-1987. C'était il y a un peu de temps. You see. D'un point de vue plus léger, j'ai vu que vous avez produit votre propre bière. Pourrais-tu nous la présenter? Session IPA. Can you present it to us? We have two breweries. Nous avons deux propriétaires de brasserie dans le groupe. Peter et Daniel. Ils connaissent tous sur la bière et ils produisent de la vraiment super bonne bière. Encore une fois, je suis le mauvais gars pour en parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une super idée que de faire cette bière. La Shadow Mind était l'IPA et la Gateways était la lager. Est-ce que Gothenburg est la capitale du heavy metal au monde? Ah, je n'en suis pas vraiment sûr. C'est un peu une imagerie. Record stores everywhere. Full of metal. Du métal partout, mais c'est un peu la même chose à New York ou à Munich. Et avoir la même chose, la même impression un peu partout, même en France. I mean, you can go to, I mean, you can be in Munich and you can have the same feeling to it. A lot of great bands, record stores, vinyl stores, which is just amazing. Or New York, or. And last question, will you still obey? Une dernière question. Est-ce que tu obéis toujours au riff? That's the best. Toujours, obéir au riff. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de mieux. Just love it. Que ce soit Depeche Mode ou alors Morbid Angel. Good. On remercie encore une fois l'équipe du Motocultor La Ferrarock pour l'occasion d'interviewer Niklas Angelin. On va passer le dernier single explosif de Halo Effect avec Detonate. Everywhere, could get away from us. The absence is everywhere. Yes, excellent que ce Detonate par le groupe Halo Effect. Jetez-vous dessus. On va rester dans le death metal mélodique suédois avec les In Flames qui nous reviennent avec le dernier single Spirit of No Return. Tout de suite, on n'a plus le guitariste David Anderson dans le groupe, mais ça n'empêche pas la bande à Speed Street d'envoyer toujours de belles mandales de death mélodique. Voilà pour Soilwork. Et maintenant, on passe au patron de la scène death metal française avec Merciless. Merciless qui nous sort cet album Those Who Reign Below et le morceau I Am Hell. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, Merciless tout de suite, avant de passer à du metalcore avec le groupe As I Lay Dying, As I Lay Dying, qui nous sort son dernier album Through Storms Ahead sur le label Napalm Records. Grosse particularité, c'est que tous les musiciens du groupe viennent de quitter le navire juste avant la sortie de cet album. Voilà, donc la tournée qui devait passer le 4 décembre prochain du côté du Transborder de Lyon est néanmoins annulée. On passe tout de suite le morceau We Are The Dead par As I Lay Dying. Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. On n'oublie pas de rappeler le www.facebook.com/overdrive-radio-dio, Overdrive Radio Dio sur Instagram également, et la plateforme Mixcloud pour accueillir les podcasts. Voilà, on se quitte au son de cet album Kinship par cet excellent groupe Jotun, si vous aimez le death metal mélodique et progressif nordique. Twilight, extrait de cet excellent album qu'on écoute tout de suite pour terminer l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, on remercie l'équipe de Ferrarock, du Motocultor également, ainsi que Niklas Angelin, de l'excellentissime groupe suédois The Hollow Effect pour l'interview. Merci, ciao, bye bye. Yeah.